sereine tomberait dans mes bras. De la romance mon kidnapping, bat les mains de ma pine. C'est comme une rose sur ton smoking. Oh les cœurs, c'est un hold up. De la romance mon kidnapping, bat les mains de ma pine. Un coup de vent dans son brushing. On roule, on avance, on s'enfuit en cavale. Pour que tout recommence avant la fin du bal. Les décors défilent, les heures deviennent intimes. Une étrange idylle, mais qui est la victime?